lesquelles j'ai travaillé, c'est les transformations de l'État et la question des transformations des politiques de l'action publique, en rapport notamment aussi avec les stratégies de responsabilisation. Et j'ai par exemple coédité un ouvrage collectif qui s'appelle L'action publique et subjectivité. Enfin, tout ça pour me situer un petit peu. Et donc, comme ça arrive aux chercheurs, enseignants, vieillissants, ils deviennent responsables de diverses choses. Donc je suis devenu rédacteur en chef de la revue Sociologie, donc qui est la revue électronique de l'AISLF, qui est une revue donc qui est haut dans les rankings. Enfin, c'est la même chose en termes de valorisation que les actes de la recherche en sociologie, enfin, bon, que les meilleures revues. Donc dans les dossiers, c'est une revue qui est exclusivement électronique. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous, je ne pense pas qu'il y a que des sociologues ici, mais certains d'entre vous la connaissent peut-être. C'est une revue qui a ces sociologies donc il y a S au pluriel de sociologie. Donc il y a 3 livraisons par an, ce qui veut dire que nous publions aux alentours de 75 articles par an, avec une différenciation sous forme de rubriques. Donc il y a, notamment, j'y reviendrai, une rubrique premier texte qui est destinée à des jeunes chercheurs. Il y a une rubrique, par exemple, grand résumé, où on demande à un auteur de faire un résumé lui-même d'un bouquin intéressant et récent, et on demande à 2 discutants d'y réagir. Il y a une rubrique dossier où il y a des dossiers qui sont coordonnés par des chercheurs et qui rassemblent 6, 7, 8 articles sur un domaine. Donc dans la livraison de février, par exemple, il va y avoir un dossier sur la question de l'art urbain ou de l'art et la ville, par exemple. Et puis, il y a différentes autres rubriques, expériences de recherche, théorie, etc. Donc, c'est une rubrique, enfin, c'est une revue très, très spécifique par rapport au marché des revues papier, avec une exploitation, une belle exploitation, je trouve, des possibilités offertes par l'Internet. Donc ça m'amène à lire, en tout cas, les 75 articles qui sont parus chaque année, qui ont été, je peux l'expliquer après, qui ont été pour la plupart évalués vraiment en peer review, donc avec une anonymisation. Mais donc je les relis tous pour voir s'il n'y a pas des incongruités, pour vérifier les dernières fautes d'orthographe, bien qu'ils aient déjà été relus, et puis pour jeter un œil sur les articles qui n'ont pas fait l'objet d'une peer review, mais qui ont fait l'objet d'une évaluation, mais sans peer review, c'est-à-dire sans nécessairement une anonymisation, en particulier les dossiers, par exemple, parce que évidemment les dossiers, ça fait une introduction plus 6 ou 7 articles. Donc là, la question du peer review est compliquée. Donc on a un système où il y a un reviewing, mais sous la responsabilité du responsable du dossier. Donc enfin, il y a des modes d'évaluation différents. Donc j'ai une grande expérience de la lecture des articles, sans compter que je suis membre d'une commission, enfin j'en parlais à Sébastien, je suis membre d'une commission FNRS, donc du Fonds National de la Recherche Scientifique, qui évalue des projets de recherche, et donc je suis même membre de 2 commissions, donc j'évalue, je lis, et je contribue à l'évaluation de 120 dossiers par an, plus quelques dossiers ANR, plus quelques dossiers du Fonds québécois de la recherche, et ainsi de suite. Je suis aussi membre de comité de rédaction de revues, et je co-dirige des collections, notamment la collection Action publique chez Peter Lang. Donc, ces statuts-là multiples m'obligent évidemment à voir comment ça se passe au niveau de l'évaluation et des dossiers et du marché des publications. Et je voudrais commencer peut-être par ça. Donc, c'est la première fois que je fais ce genre d'exposé. Non pas que j'y ai jamais pensé, évidemment, mais c'est la première fois que je fais ce genre d'exposé. Donc, j'ai rassemblé des informations. Enfin, je ne sais pas quel est le scénario. Tu m'as dit que ça peut varier. Donc, si certains veulent m'interrompre à certains moments, donc je ne suis pas dans un exposé linéaire sur quelque chose que j'ai étudié depuis 20 ans. Donc, voilà. Oui. Sociologie. Dans la revue Sociologie. Oui, c'est exclusivement Sociologie. Sauf que. Où s'arrête la sociologie, où elle commence et où elle s'arrête. Donc, il y a des publications qui relèvent, à mon avis, qui pourraient tout aussi bien relever de certaines formes de philosophie, certainement de l'anthropologie. Donc, il va par exemple y avoir, mais je pense que ça sera dans la livraison de mai, un dossier sur Jeanne Favre-Saada, par exemple. Donc, on n'a pas de... Enfin, on n'est pas branché de manière obsessionnelle sur une vision limitative de la sociologie. Et plus que ça, je pense que point de vue, affiliation méthodologique ou champ européen ou états-unien, etc., vous êtes aussi relativement large par rapport à d'autres revues qui publient que de la sociologie française ou de la France ou de l'Europe ou d'un certain courant théorique, etc., quoi. Donc on cherche à être effectivement très très ouvert, notamment c'est rendu possible par les dossiers, par la pluralité des rubriques. Il n'y a pas d'attachement à une école de pensée. Mais ça, j'y reviendrai, cette question des écoles de pensée, parce qu'en France, c'est pas mal. Les effets que ça peut avoir. Alors, donc quelques éléments qui rejoindront ce que contextuels, donc qui vont rejoindre ce que Sébastien a commencé à dire, c'est que tout d'abord, on assiste et l'accroissement est à vrai dire rapide à une augmentation vertigineuse des candidatures à la publication. Donc il y a une concurrence de plus en plus grande entre les chercheurs, entre les doctorants, et donc les doctorants, les chercheurs savent qu'ils doivent se constituer un CV, ils sont probablement poussés à ça par... les équipes de recherche par... je le fais moi-même, je dirige des doctorats, donc je dis à mes doctorants, publie, n'oublie pas de faire un séjour à Columbia ou à Harvard, c'est mieux qu'à... Donc on est dans ce genre de choses. Et c'est un marché de plus en plus concurrentiel parce que le nombre de doctorants augmente de manière très très importante. Et les possibilités de reconversion dans des carrières académiques ne s'accroît pas de la même façon. Donc il y a un décalage, je pense, de plus en plus important entre ceux qui vont avoir un doctorat et ceux qui vont pouvoir faire une carrière académique. Et donc l'exigence de se construire un CV est de plus en plus lourde pour ceux qui veulent faire une carrière académique. Ce décalage, d'ailleurs, commence à être géré ouvertement par les universités. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais de plus en plus, il y a organisé par les universités en Belgique des séances où les doctorants se présentent au monde privé, y compris des doctorants en sciences humaines. Parce que les entreprises privées commencent à comprendre que avoir fait un doctorat permet d'acquérir un certain nombre de compétences qui peuvent être extrêmement intéressantes, notamment des compétences rédactionnelles, des compétences imaginatives. Et donc, on se retrouve face à une sorte, je vais y revenir, à une sorte d'accélération des cursus, une course en quelque sorte à l'accumulation de lignes dans les CV. Enfin, je dis ça comme ça, c'est un peu abrupt, mais c'est aussi un peu ça qui se passe. Et je pense que ça se répercute sur ce que l'on reçoit dans les revues. Donc, un certain nombre d'articles sont manifestement trop vite écrits. Un certain nombre de réponses à des appels d'offres à des colloques ne rentrent pas vraiment dans l'appel. Donc, il y a une sorte de d'inflation d'emballement se répercute en termes de qualité, mais aussi d'adéquation à la demande. C'est pour ça que dans la revue Sociologie, la rubrique premier texte, donc destinée aux jeunes chercheurs, est extrêmement intéressante, parce que dans cette rubrique-là, les chercheurs présentent leur recherche et ne doivent pas chercher à s'ajuster à un appel d'offres où ils essayent de faire à tout prix rentrer leur recherche dans cet appel d'offres. Ce contexte très très concurrentiel entraîne de la part d'un certain nombre de chercheurs, voire de beaucoup de chercheurs, des stratégies. Donc, comme je le disais, on essaie de faire rentrer à tout prix en tapant sur le coin une thématique de recherche dans un appel d'offres. Il y a manifestement des stratégies de recyclage, par exemple. On publie à de nombreux... Ça ne veut pas dire que dans la génération que je représente ici, on ne le faisait pas, mais on ne le faisait pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que... si vous prenez ma bibliographie, il y a plusieurs textes qui disent à peu près la même chose, mais c'est des commandes. C'est-à-dire, je vais faire une conférence quelque part et on me dit, vous voulez pas écrire, bon, donc on bouge un petit peu. Mais ici, je pense que dans cet emballement, il y a une sorte de développement d'un certain nombre de stratégies, dont ces stratégies de recyclage. Et par ailleurs, je force un peu le trait parce qu'il y a beaucoup de revues, donc on ne peut pas dire qu'il y a une uniformité non plus des modes d'évaluation, mais on va quand même vers un formatage de l'évaluation et quand même vers un formatage de l'évaluation des carrières, donc des CV. Donc quand on est dans une commission FNRS, et je suppose que c'est la même chose en France au CNRS, et qu'on doit comparer des CV, on n'a pas le temps de lire, comme il faudrait le faire, les trois articles les plus significatifs de la personne. Donc on regarde où la personne a publié, combien il a publié. Et par exemple, sur une période très courte, j'ai vu en sciences humaines s'accroître significativement le poids des facteurs d'impact. On propose aux gens, selon les dispositifs, vous prenez Google Scholar, vous prenez autre chose, et c'est quoi votre facteur d'impact? Autrement dit, vous avez combien d'occurrences dans Google, je dis Google Scholar ou autre chose, vous avez combien d'occurrences par rapport au nombre de textes, et si vous êtes au-dessus de telles normes, c'est plutôt bien, si vous êtes en dessous, c'est plutôt négatif. Et ces facteurs d'impact ont évidemment des effets en termes de stratégie. Donc il faut non seulement beaucoup publier, mais il faut publier dans certaines revues qui sont valorisées en termes de facteurs d'impact. Donc par exemple, sur la revue Sociologie, il y a des demandes de reconnaissance de la revue Sociologie au niveau international, donc prendre contact avec Easy Philadelphia pour que, en termes de facteurs d'impact international, donc au-delà de la sphère francophone, ça puisse être valorisé. Il est clair aussi que enfin, on le sait, hein, l'accroissement des facteurs d'impact peut être lié à certaines stratégies. Donc être dans des équipes qui s'autocitent, par exemple, est extrêmement intéressant. Donc si vous êtes dans un réseau de chercheurs et que Sébastien me cite et que moi je cite Sébastien, ça fait monter. Donc, enfin, je ne veux pas être ni exagérément caricatural ni exagérément pessimiste, mais il y a, enfin, c'est aussi la réalité. Même si vous vous citez vous-même, par exemple, ça fait monter le nombre de références. Voilà. Et puis. Donc ici on est dans un dispositif qui réfléchit à ça, donc ça veut dire que sachant ce qu'est plus ou moins explicitement, plus ou moins réflexivement, plus ou moins intuitivement ce qu'est ce contexte, des dispositifs se mettent en place pour aider les doctorants à écrire, à développer une méthodologie de la recherche. On voit apparaître dans les librairies des ouvrages, pas seulement celui-là, mais comment rédiger une thèse, etc. Donc il y a autour de ce problème contextuel, il y a un marché qui un marché des formations, un marché des publications qui se met en place. Je voudrais revenir un peu sur la question de la vitesse et de l'accélération, qui me paraît un facteur contextuel très très important, qui je pense est lié en partie à l'impact des réformes bolognaises sur la recherche. Donc le système Bologne, c'est 3-5-8, donc en France c'est 3 licences, 2 masters et puis 8, donc 3 ans pour faire la thèse. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à ce qu'il en était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, le temps normal pour une thèse tend à se raccourcir. Or, que peut-on faire comme thèse en 3 ans en sciences humaines? Donc ça, c'est une question que je pense qu'il faudrait se poser. Micro-précision, à l'EHESS, on a environ 1800 doctorants, on produit 250 thèses par an, c'est quand même pas rien en termes institutionnels. La durée moyenne d'une thèse, durée moyenne selon vous? 5-6 ans. Ouais, 6,1. Donc, de dire qu'il y a un constat de réalité, et puis il y a la norme. Non, mais je pense aussi que la réduction du temps de la thèse, c'est parce qu'on assistait, hein. D'abord il y avait avant les thèses d'État et les thèses universités, lesquelles les thèses universitaires ont disparu, et donc on avait une amplification, on avait 700, 800, 1000 pages de thèses. Je pense que le gouvernement a voulu réduire ça, ne plus avoir des thèses de 1000 pages, et donc ben, pour ce faire, il a réduit la durée. Sauf qu'effectivement, problème en sciences humaines, c'est un peu difficile en 3 ans. Mais l'objectif, il était là. Donc, je pense qu'il y a alors, enfin, ce qui se passe, c'est une sorte d'ajustement des thématiques et des contenus de thèse sur ce rétrécissement temporel. Donc, l'écart, je pense, se creuse entre les ambitions de recherche que pouvaient avoir les chercheurs quand ils ont commencé leur thèse et ce que devient la thèse effectivement. Et j'y reviendrai. Je pense que derrière ce rétrécissement temporel se profile quand même une certaine conception de ce qu'est la recherche. Et ce modèle des thèses courtes est, je crois, prioritairement calqué sur le modèle des thèses plutôt en sciences dures. C'est-à-dire des thèses où on tend à faire la vérification d'une hypothèse à l'intérieur d'un état de l'art qui est bien connu. Or, les thèses en sociologie et, je pense, beaucoup plus en sociologie francophone qu'en sociologie anglophone, la tradition des thèses, ce sont des thèses à forte dimension spéculative. C'est-à-dire des thèses dans lesquelles il faut un apprentissage lourd de la littérature et une intégration lourde de la littérature et de la tradition sociologique. Et donc, je pense que est en train... Alors, c'est diffus, c'est pas encore très, très net, mais est en train de se construire un écart générationnel, d'une certaine façon, entre ceux qui ont fait des thèses longue et spéculative. Moi, ma thèse, c'était 1300 pages. Et les thèses qui tendent à se faire aujourd'hui. Alors, en quoi ça a à voir avec la question des publications? Ce sont les vieux qui sont les évaluateurs des jeunes, évidemment. Encore une fois, je caricature un peu. Mais donc, toute une série de textes de jeunes chercheurs sont refusés, ou en tout cas on demande qu'il y ait de fortes modifications, parce qu'elles ne s'appuient pas sur une assise théorique suffisante, c'est-à-dire un rapport à la tradition, à la grande tradition sociologique. Alors est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Je me place, en disant ce que je dis ici, je me place d'un point de vue sociologique, j'observe. Et par rapport à cette question-là, je ne sais pas ce qu'il y a en France, ce qu'il en est en France, je ne sais pas si on peut certainement pas généraliser. Je pense qu'il y a un problème de formation initiale. Donc je ne suis pas sûr que les étudiants qui sortent des études ont les compétences, à la fois les compétences théoriques, mais aussi les compétences en termes d'autonomie de la recherche par rapport à des thèses dont la temporalité est en train de se rétrécir. J'ai l'expérience belge fatalement d'un côté et l'expérience canadienne de l'autre. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec des collègues canadiens, des doctorants canadiens, mais au Canada, les étudiants ont beaucoup moins de cours qu'en Belgique et qu'en France, donc dans les formations de master, et ont beaucoup plus de lectures et beaucoup plus de travaux. Donc, quand on compare... tu connais Simon. Je ne sais pas s'il est très représentatif. Si, moi j'ai été donné des trucs doctoraux au Canada. Il y a de fortes différences entre quelqu'un qui sort des études au Canada et en Belgique. Et je pense que le système français est plus près du système belge que du système canadien. Les étudiants belges en master ont reçu beaucoup de cours frontaux. Et donc, ont entendu parler de tout le monde. Donc, Bourdieu, Boltanski, Parsons, enfin, ils connaissent tout, Merton, etc. Les Canadiens, ils ont d'énormes trous, parce qu'ils n'ont pas tout vu, mais ils ont travaillé les auteurs. Donc moi, ça m'est arrivé d'aller donner des cours comme professeur invité au Canada. Je pouvais tout à fait dire pour la semaine prochaine vous lisez 3 articles, les étudiants ont lu et donc on commence le cours à un autre niveau, alors qu'en Belgique c'est extrêmement compliqué ça, parce que les étudiants ont énormément de... Donc je pense que il faudrait réfléchir cette question de l'accélération de la thèse avec des questions pédagogiques d'acquisition des compétences qu'il faut pour cela. Au Canada, en Belgique c'est pas du tout le cas, en France je ne sais pas, dans les gros projets de recherche canadiens, j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années encore ici épisodiquement d'évaluer des gros projets de recherche canadiens, un des critères d'octroi de financement, donc de financement très important, c'est l'intégration d'étudiants de deuxième cycle, donc de master, dans les programmes de recherche. Et donc, je pense que si on va dans une logique d'accélération de la recherche, il faut faire descendre l'acquisition des compétences de recherche vers les années de master pour que les étudiants soient davantage préparés à entrer dans le doctorat. Et cela s'accompagne, autre élément, d'un affaiblissement des capacités d'encadrement. Pourquoi ? Je suis évidemment totalement favorable à la démocratisation de l'enseignement. Donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais la situation qui est vécue aujourd'hui, c'est que les enseignants susceptibles d'encadrer des doctorats sont surchargés par rapport à la situation antérieure, avec des étudiants qui doivent travailler de manière autonome dans un temps que l'on voudrait de plus en plus restreint. Et si je prends l'exemple encore du Canada, lorsque je discute avec des collègues canadiens, moi j'ai eu beaucoup de contacts avec le Canada, donc ça fait 20 ans que je vais au Canada, sur cette période-là, ils me disent on a vu un changement complet, ou en tout cas très important, au niveau des flux, au niveau des doctorants. Il y a 20 ans, les doctorants canadiens venaient faire leur thèse en France. Maintenant, de plus en plus, les doctorants français vont faire leur thèse au Canada. Et pourquoi ils vont faire leur thèse au Canada? Parce que les conditions de travail des enseignants, dans un système moins démocratique, mais parce que les conditions de travail des enseignants et donc les conditions d'encadrement des thèses sont meilleures, deviennent de plus en plus meilleures au Canada qu'elles ne sont en France ou en Belgique. Sans compter que c'est le cas en Belgique, et quand je discute avec des collègues français, ils me disent quand même des choses un peu comparables. Lorsque le système de Bologne s'est mis en place et qu'il a fallu créer des écoles doctorales et des formations doctorales, peu de moyens ont été octroyés pour cela. Donc les dispositifs qui auraient dû accompagner, j'ai expliqué pourquoi il aurait fallu un accompagnement, qui aurait dû accompagner cette transformation du statut du doctorat, ne sont pas présents. Donc moi, je donne des formations doctorales, je les donne gracieusement. Donc c'est pas quelque chose qui est comptabilisé dans mes charges. Quand un professeur canadien donne une formation doctoral, eh bien on lui retire un cours. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, sous la pression européenne, une transformation progressive des logiques doctorales, sans que ne se mettent en place les moyens et les dispositifs qui devraient aller avec. Point suivant que je voudrais... je ne vais pas vous décourager, hein, il y a moyen de répondre à ça, évidemment, et si je comprends bien, le séminaire ici est une réponse à cette situation là, et évidemment des doctorats se défendent, et les doctorats sont bons, voire sont très bons, parce que donc j'évalue au FNRS, par exemple, Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, j'évalue des gens dont les projets de recherche ne sont pas repris, mais qui ont un CV qui, à âge égal, est trois fois supérieur au mien, évidemment. Hein. Il y a malgré tout un accroissement des exigences et donc aussi un accroissement de la qualité du travail, mais une qualité qui est souvent en deçà de ce qui est exigé, en tout cas pour pouvoir faire ensuite une carrière académique. Il y a la question de l'internationalisation. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose de très très lourd. Il faut que vous publiez à l'étranger en anglais et que vous fassiez des séjours à l'étranger. Donc quand on évalue les dossiers au FNRS, par exemple, et dans d'autres cas, enfin au Canada, le critère d'avoir fait un séjour à l'étranger et d'avoir publié en langue étrangère, mais principalement en anglais, peu en espagnol, donc devient un critère de de plus en plus important, comme devient de plus en plus important dans l'évaluation des projets et l'évaluation des articles, la mention de la littérature anglo-saxonne. Donc dans les projets de recherche, comme les évaluateurs sont internationaux en Belgique, il y a par exemple des Flamands qui sont plus branchés sur le monde anglophone que sur le, ou autant ou plus sur le monde anglophone que sur le monde francophone, ça devient un critère extrêmement déterminant. Donc on fait un projet et on a cité Bourdieu, Boltanski, Lahire, Boudon, etc. Mais on n'a pas cité Lâche, Ri, je ne sais pas qui. Et ça, donc il y a des exigences d'ouverture à l'international qui deviennent de plus en plus pesantes dans l'évaluation. Et je pense que ça pose aussi une question sur la formation initiale. Quelle est la place de la littérature anglo-saxonne dans la formation initiale en sociologie? C'est probablement pas la même chose selon les universités, mais en tout cas en Belgique, on essaye maintenant de rattraper le déficit. Alors, comme il y a une accélération, une demande d'accélération, vous disiez les thèses ont tendance à se raccourcir. C'est pas seulement que les thèses ont tendance à se raccourcir, c'est que ce qui se passe, encore une fois sur le modèle des sciences dures, il y a une tendance, une tentation à remplacer les thèses qui forment une thèse de 300 pages cohérentes par des articles publiés dans des revues à ranking internationaux. Donc il y a une tension qui s'opère entre le genre ouvrage d'un côté et le genre article de l'autre. Progressivement, il devient plus important d'avoir des articles que d'avoir un ouvrage. Donc il y a 10 ans, par exemple, publier la thèse, donc, et sous forme d'un ouvrage à titre de seul auteur, était un critère très très important. Je vois ce critère légèrement s'affaiblir par rapport au fait d'avoir publié quelques articles, y compris dans des revues internationales. Pardon. La question se pose, quel type de rationalité, quel type de pensée est mobilisé dans la rédaction d'un ouvrage par rapport à ce qui est mobilisé dans un article? Alors, je suis vieux sans doute, mais je pense que derrière l'ouvrage, il y a une exigence de globalisation de la pensée qui est extrêmement important et qui peut être zappé dans la rédaction des articles. Et on est dans une société, ça passe le temps. Donc, les gens n'ont plus le temps de lire 300 ou 500 pages, ils vont lire un article. Et ça fait partie de la progression du changement de notre société. Les profs n'ont plus le temps d'enseigner parce qu'ils ont, au lieu de s'occuper des doctorants, ils ont une carrière aussi, soit à promouvoir, soit à conforter. Ils n'ont plus le temps donc de suivre les étudiants. Les étudiants ou les profs n'ont plus le temps de lire 500 pages. Donc, on lit des extraits qui vont donner un aperçu. Voilà, ça fait partie en même temps. C'est comme sur Internet, les gens ne cherchent plus vraiment des ouvrages. Ils cherchent des articles qui vont... des articles phares qui vont permettre de donner la substance de la pensée de l'auteur. Mais... c'est l'évolution. C'est peut-être aussi un principe de labellisation de la pensée, c'est-à-dire que c'est plus à qui va prendre le temps justement d'analyser, de globaliser. C'est-à-dire qu'on parle de philosophie, de sociologie, on ne parle pas de crêpes, de recettes géniales. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, quand on nous demande de publier, on doit écrire une thèse en 3 ans, publier je ne sais plus combien d'articles minimum pour avoir la prétention après de rentrer dans le système académique, c'est-à-dire postuler au CNRS, qu'on prend, etc. Et avoir la mise en œuvre de nos relations de transmission et d'apprentissage, de rituels, etc. Et tout ça, on doit le faire sur un très court, avec des vecteurs de communication qui, effectivement, derrière, support devient plus un usage où on le voit vite, rapidement, dans la viralité, bien référencé, etc. Et puis en plus, la thèse devient de plus en plus, il me semble, en fonctionnement de l'entreprise, un label d'assurance garantie du manager, du cadre supérieur qui va faire une thèse sur tel sujet et du coup avoir. Il y a eu un débat en Belgique à propos du FNRS. Il y a eu un débat récemment qui était assez intéressant parce que le ministre voulant donc réformer le FNRS se proposait d'indiquer dans disons, la loi organique du FNRS une phrase exigeant que les recherches financées par le FNRS soient utiles à la société. Il y a eu une discussion entre le monde académique et le monde politique avec une pétition, disons, lancée par des recteurs d'université pour s'opposer à ça, mais des discussions intéressantes internes au monde académique lui-même, donc certains à l'intérieur du monde académique adhérent à ce type d'exigence et des alliés se retrouvant parmi des sociologues très critiques aussi. Donc c'est une question dont les frontières ne sont pas toujours extrêmement nettes. Oui, puis au-delà je pense du... Voilà, j'ai sorti un article parce qu'il vient de sortir dans la revue Temporalité. Le titre parle de lui-même, c'est « Le « je suis débordé de l'enseignant-chercheur ». Petite mécanique des pressions et ajustements temporels. Donc voilà, dans Temporalité, ça vient de sortir là, numéro 18, 2013. Je pense qu'il y a ce cadrage temporel. Oui, on est dans la société, de l'immédiateté, d'accord. Il y a les grands cadrages. On peut aussi avoir une analyse pragmatique de ce phénomène. Je pense qu'il y a aussi deux indicateurs qui sont à prendre en compte. Le premier, c'est que les éditeurs rechignent de plus en plus à éditer des thèses. Notamment, le rôle des presses universitaires n'est plus du tout le même qu'à certaines périodes. Donc, c'est de plus en plus dur. Il y a des logiques commerciales. Un éditeur, c'est aussi une entreprise. Donc, il veut aussi que ses bouquins se vendent et les thèses, voilà, ça intéresse pas beaucoup les lecteurs. Donc, voilà, il y a cet effet-là. Donc, on a peut-être moins de pression sur la nécessité de faire éditer sa thèse du fait que les éditeurs ne veulent pas forcément le faire. Le deuxième indicateur, c'est une logique de formalisation, notamment qui est due, et là, directement, par les réformes de Bologne et par les crédits européens. Quand vous voyez, comme moi, quand vous remplissez à la fin de votre thèse, vous ne le ferez pas ici, enfin, peut-être, il ne faut pas dire jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, en Belgique, ça existe, vous remplissez une feuille avec vos crédits ECTS. Donc, il y a 60 points pour votre mémoire de thèse, votre manuscrit de thèse, et il y a 60 points que vous devez... marqué en ayant publié, en ayant assisté à des colloques, en ayant organisé des journées doctorales, etc. Et bien, il suffit de regarder simplement la manière dont les choses sont codifiées. Combien de points on gagne ? Et bien, un bouquin, ça vaut 15 points. Et un article, ça vaut 15 points. Donc voilà, on a un bouquin de 300 pages ou de 500 pages qui vaut 15 points, on a un article de 15 pages qui vaut 15 points. Le calcul, il est vite fait, hein, en point de vue rentabilité, temps de travail. Je vois pas pourquoi, rationnellement, on irait faire des livres quand on sait que les articles sont notés exactement pareil. Alors, ce n'est qu'un marqueur, évidemment, mais bon, il y a quand même une logique derrière, en effet, de saucissonnage, ou en tout cas, ça se modifie, je sais pas. Par rapport à ce que tu dis... Il y a une crise, enfin je pense que j'avais noté plus loin, mais bon, il n'y avait pas de souci. Il y a une crise de la vente des bouquins de sciences humaines. Oui, donc les bouquins de sciences humaines se vendent plus. Pas seulement de sciences humaines, mais les livres de sciences humaines ne se vendent plus. Et donc, il me semble que... Oui, il y a sûrement des exceptions, mais en sociologie, donc par rapport à la situation il y a 30 ou 40 ans, c'est vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui, et les demandes de publication s'accroissent. Donc ce que je constate comme co-responsable de deux éditions d'ailleurs, c'est qu'il y a des demandes de financement par les maisons d'édition des publications. Et en gros, les maisons d'édition ne prennent plus de risques. C'est-à-dire qu'ils doivent en vendre 150 pour rentrer dans le frais. Et 150, ils sont sûrs de les vendre parce que si c'est une maison d'édition scientifique, il y a quand même suffisamment de bibliothèques qui vont l'acheter. Et donc, la question de l'accès à la publication, je pense, tend à devenir davantage lié aux capacités d'amener de l'argent pour les publications. Je parle des ouvrages ici, les articles, c'est bien sûr autre chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que dans ce contexte, encore une fois, il ne faut pas prendre les choses que je vais dire de manière unilatérale, uniforme, mais je pense qu'il y a quand même une sorte d'épistémologie d'arrière-plan qui pointe au travers de ce contexte par rapport à la rédaction des articles. C'est que tend à être privilégié ce que j'appellerais une conception cumulative de la science. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut s'inscrire dans des problématiques ouvertes et tester une hypothèse à l'intérieur d'une problématique ouverte, contester une hypothèse. Donc les ambitions, si vous voulez, les ambitions spéculatives tentent à se réduire. Et ça se traduit au niveau des exigences de contenu par une montée en importance, surtout chez les anglo-saxons, la revue Sociologie, on essaye de ne pas jouer ce jeu-là, une montée en importance de l'état de l'art. Quand vous lisez beaucoup, si vous lisez beaucoup de textes des grandes revues anglo-saxonnes, et quand vous voyez comment des projets d'articles ont été évalués par les revues anglo-saxonnes, c'est souvent ça. Vous n'avez pas cité, donc vous n'avez pas bien fait l'état de l'art. Et c'est logique par rapport à une épistémologie cumulative. C'est-à-dire, il faut que vous ayez fait le tour, que vous ayez pointé ce qui n'a pas été testé ou la faille dans ce qui a été théorisé. Et c'est là que on avait une réunion juste avant le congé de Noël. On a eu une réunion à Bruxelles du comité de rédaction de la revue Sociologie, et on se disait à propos d'un certain nombre d'articles que ces articles n'auraient jamais été publiés dans une revue anglo-saxonne, et dans certaines revues, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était ailleurs par rapport à ce type d'épistémologie sous-jacente. Je pense qu'il y a aussi un renforcement des conceptions positivistes de la scientificité. Dans les projets de recherche, par exemple, il y a de plus en plus de demandes d'indicateurs, de construction d'indicateurs. C'est lié au niveau de la restructuration des centres de recherche au privilège qui est de plus en plus donné aux gros centres de recherche. Donc, par exemple, à l'Université libre de Bruxelles, il y a des évaluations de la recherche comme partout d'ailleurs, et on sent bien que chez les évaluateurs, il y a un modèle de ce que doivent être les centres de recherche qui est en arrière-plan de leur réflexion. Il y a une crainte ou une hantise de la fragilité des petits centres de recherche, et donc s'impose un modèle de centre de recherche avec, in fine, la création donc des stratégies des universités, voire des gouvernements, de créer de gros centres de recherche qui sont des centres d'excellence qui vont truster des financements européens et ainsi de suite. Et donc, il y a un resserrement, si vous voulez, organisationnel de la recherche dans son ensemble. Et ces gros centres sont des centres qui intègrent en eux-mêmes des modèles de recherche différents, mais qui sont susceptibles de construire, par exemple, étant donné leur taille, des banques de données et ainsi de suite. Et donc, je pense que ça induit aussi une sorte d'image, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, je dis une épistémologie sous-jacente de la recherche qui est peut-être problématique. Il y a une question. Oui. Mais c'est-à-dire, si, donc moi, ce que je vois au niveau des commandes de recherche, des appels à projets de recherche, donc c'est beaucoup plus vrai pour la recherche opérationnelle, pour la recherche commandée que pour la recherche proposée d'initiative. Donc il y a de plus en plus de commandes qui sont des commandes de construction d'indicateurs qui vont servir d'aide à la décision. Si vous voulez, je mettrai cela en relation avec les transformations de l'action publique. Donc de plus en plus, je pense que Laurent Thévenot, qui est ici, décrit ça très bien, donc c'est la gouvernance par objectif, la gouvernance par indicateur. Donc les transformations de l'État conduisent à ce que les logiques de gouvernance soient des logiques de pilotage. C'est-à-dire, en même temps qu'on met en place une politique, on met en place des indicateurs permettant de vérifier si la politique est, vous connaissez le vocabulaire, efficace, efficiente, pertinente, etc. Et donc, la recherche commandée s'ajuste sur ce type d'épistémologie. Et donc, par exemple, dans un fonds qui était très très important pour la recherche à Bruxelles, donc il y a un programme de recherche qui s'appelle Prospective Reserve for Brussels. Si vous prenez les thématiques il y a 10 ans et les thématiques aujourd'hui, on voit très très clairement cette évolution-là. Donc une recherche qui pouvait être très spéculative, mais que le monde politique avait des difficultés à utiliser au départ, et une orientation vers une commande d'indicateurs et donc une épistémologie beaucoup plus, si vous voulez, positiviste, c'est-à-dire plus un discours objectivant, moins un discours, enfin si on prend les grandes catégories de la sociologie, expliquer, comprendre, critiquer, donc beaucoup plus expliquer donc des indicateurs, une objectivation, beaucoup moins des recherches compréhensives et encore moins de l'engagement, encore moins de la sociologie critique. Je vous avais promis de parler de la France, je vais le faire vite fait. Oui, j'avais une question sur les revues anglo-saxonnes. Je pense que quand on connaît un peu les codes implicites pour pouvoir publier dans ce type de revue, notamment citer certaines personnes qui... Finalement, pourquoi est-ce que nous, on marque pas notre défiance à la littérature francophone ou même européenne ? Pourquoi est-ce qu'on essaie tellement de suivre ce modèle-là, alors qu'il est ni meilleur ni moins bon qu'un autre ? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans cette course, en fait. Parce qu'il y a une domination de l'anglais sur le monde scientifique, et donc qu'au niveau international, si vous voulez, moi, en Belgique, on est confronté à... Vous en entendez quelquefois parler, je pense, au problème flamand en wallon. Les Flamands, comme je le disais tout à l'heure, sont beaucoup plus influencés par la scientificité anglophone et donc sont beaucoup plus branchés sur l'internationalisation du monde scientifique. Et c'est le modèle dominant qu'on doit s'y opposer, mais ce serait bien s'y opposer aussi en langue anglaise. Si on a une opportunité de proposer une publication, est-ce qu'on aura aujourd'hui des conseils de... Oui. La grande question. Est-ce qu'on donne des ficelles ? C'est pas trop l'optique des aspects concrets de donner des ficelles. Maintenant, s'il y en a une. Il y a quand même quelques éléments, là. C'est plus pour développer un espace de dialogue et un esprit critique par rapport à des phénomènes liés à la publication, au fait de valoriser son profit, au fait de constater les changements du monde de la recherche en termes de temporalité. C'est pas non plus... Quand je pensais comment fonctionne, par exemple, une commission d'évaluation... Ah oui, maintenant on peut décrire, en effet, oui. Oui, on peut décrire la manière dont fonctionne un processus d'aller-retour entre un comité d'évaluation et... Ça, on peut décrire, oui, c'est vrai que ça coûte rien. D'avoir quelqu'un de l'intérieur qui nous décrive comment se passe le processus de soumission d'un article. Oui, mais... Donc je ne sais pas comment vous travaillez par ailleurs, mais je crois que un des gros problèmes de la sociologie par rapport à un apprentissage méthodologique, c'est la très grande variabilité des méthodes et de ce que recouvre épistémologiquement la sociologie. Donc, je vous ai déjà dit, je fais depuis plusieurs années des séminaires doctoraux. On a choisi avec d'autres, donc des gens de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Liège principalement, on a décidé de faire plutôt des séminaires d'épistémologie plutôt que des séminaires à proprement parler de méthodologie. Parce que, quelles sont les constantes méthodologiques qui permettraient d'aider des étudiants à écrire. Par contre, leur donner davantage de moyens d'avoir une vision réflexive de ce que sont les différents courants sociologiques, de s'ouvrir à la sociologie anglo-saxonne, enfin, ou ce genre de choses sont plus importants. Enfin, quand vous travaillez par observation participante, quand vous faites une recherche-action, ou quand vous travaillez sur l'histoire de la sociologie, qu'est-ce qui est commun? Alors, il y a des conseils qu'on peut donner de manière transversale. Oui, il y a d'ailleurs une contribution dans le livre. Mais il y a une contribution dans le livre qui circule qui est spécifiquement là-dessus. Je ne dis pas ça pour que vous l'achetiez, puisque de toute manière, c'est la republication d'un article qui est en accès libre sur Sociologos. Donc voilà, mais il y a plusieurs papiers qui existent sur ces questions-là, mais qui restent des conseils très situés du point de vue de l'expérience des gens qui les donnent, et puis aussi qui n'ont pas beaucoup de longévité, parce que les revues ont cette espèce de politique du flou, on ne sait pas vraiment ce qu'elles attendent en fait. On a des consignes éditoriales souvent très strictes, mais en effet, est-ce qu'elles attendent plus un état de l'art poussé? Est-ce qu'elles attendent un certain nombre de citations? Est-ce qu'elles attendent plus de l'empirie? Est-ce qu'elles attendent une théorisation forte? Et si oui, dans quel cadre? Est-ce qu'elles attendent... Voilà. Ça, c'est le travail, je pense, du publiant, de celui qui souhaite publier, de décrypter, en se frottant un petit peu. Et donc, moi, l'approche que j'ai toujours, c'est d'essayer de faire... Quand les gens viennent de revues, dire... Voilà notre revue, comment elle fonctionne. Nous, on fait comme ci, comme ça, des récits d'expérience sur j'ai reçu tel texte, je l'ai envoyé, etc. C'est plus comme ça qu'on peut l'aborder. Mais si on voulait le faire bien, on devrait faire toutes les revues, quoi. Toutes les disciplines, ce serait... Je peux vous donner toute une série de critères, c'est pas toujours les mêmes. Oui, il y a des grandes lignes. Dans les revues. Moi, quand j'évalue, par exemple, je trouve que la question de l'originalité est importante. C'est pas quelque chose qui transparaît dans toutes les grilles d'évaluation de toutes les revues. Donc, par exemple, je viens de participer à une évaluation pour un prix du jeune chercheur de moins de 30 ans dans une revue française dont je ne vais pas donner le nom. Donc j'ai eu à évaluer, le processus n'est pas encore totalement terminé, mais j'ai eu à évaluer un certain nombre de textes. Je trouve que la question de l'originalité est quelque chose d'important. Est-ce que vous allez apporter quelque chose? Est-ce que vous jetez les bases de quelque chose de nouveau, soit à l'intérieur d'une problématique, soit parce que vous ouvrez une problématique? Et donc là, il y a, je pense, à partir d'une bonne connaissance de l'état de l'art, à pouvoir avoir l'intuition de ce que vous pouvez apporter là-dedans. Donc un domaine où on m'a beaucoup sollicité parce que je travaille sur les transformations de l'action publique, c'est la question de la participation. Donc dans les années 90, travailler sur la participation était important parce qu'il y avait peu de travaux sur la participation. Donc les années 80, on a fantasmé sur Habermas, etc. Et puis Boltanski-Thévenot, la justification, donc traiter de la participation. Mais il y avait autant d'articles qu'on voulait, autant de propositions de recherche qu'on voulait sur la participation. Il y a un épuisement. Donc celui qui vient maintenant avec une proposition de recherche, je vais travailler sur la participation dans tel dispositif, c'est plus très intéressant. Et donc il faut saisir ce qui est intéressant à un moment donné dans une problématique. Est-ce que la question de la participation est encore intéressante aujourd'hui et à quelles conditions elle est encore intéressante aujourd'hui? Donc par exemple, dans les années 90, la sociologie, les recherches sociologiques sur la participation tendaient plutôt à montrer qu'il y avait des inégalités dans le rapport à la parole, etc. Maintenant, on sait ça. Donc il ne faut plus faire 36 recherches là-dessus. Par contre, travailler sur le non-verbal. Par exemple, il y a eu des tentatives de répondre, des tentatives des opérateurs politiques ou des spécialistes de la participation, de permettre des formes expressives qui sont des formes expressives non-verbales. Alors ça, c'est devenu intéressant. Il y a des travaux là-dessus. Maintenant, on se pose des questions sur cette question du non-verbal. Est-ce que c'est de l'émancipation, ce qu'on pensait au départ, ou bien est-ce que, finalement, par rapport à la question d'espace public, c'est pas les arguments qui sont décisifs, est-ce que c'est pas de l'amusement? Enfin, je dis les choses un peu vite ici. Donc, si vous voulez, il faut saisir le... Enfin, il y a une question d'intuitionner la thématique qui est intéressante à un moment donné. Et alors, le critère, hein, donc si je peux donner un conseil, c'est est-ce que de votre article, vous êtes capable de faire un abstract de 12 lignes qui dit nettement que veut dire votre article ? Donc qu'il y ait un propos, enfin deux propos, mais que l'article soit construit autour de ce propos-là. Que l'article ne se disperse pas, donc qu'il y ait une ligne directrice et que sur les 25 000 ou les 30 000 signes de votre article, vous arriviez à défendre quelque chose et quelque chose qui a de l'originalité. La question de la cohérence entre l'empirie et la théorie est un critère qui se retrouve presque à chaque fois. Est-ce que vous avez explicité la méthodologie? Est-ce que vous discutez, par exemple, les chiffres que vous utilisez? Montrer votre capacité réflexive par rapport à la méthodologie que vous mettez en place. Donc ce sont des critères, je pense, relativement transversaux. Oui. Dans la même veine, en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il vous semblait que certains doctorants pouvaient arriver trop tôt, en fait, publier trop tôt. Et à votre avis, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à publier Très bonne question. La question, en fait, la thèse étant un work in progress, ben, on est toujours en train de la définir, y compris voire même son sujet de thèse. Enfin, c'est très difficile. Donc, du coup, à quel moment on sait que justement on peut. Quand vous avez une évaluation qui dit être acceptée avec quelques modifications. Mais. C'est quand ça nous dérange, quand le sujet, qu'on reçoit sur le sujet. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, je pense que ça va tomber à plat parce que j'imagine que c'est ce que vous faites, c'est de mobiliser une intelligence collective, c'est-à-dire avant d'envoyer votre texte à une revue, discutez-le avec des gens qui vous sont proches et suffisamment proches pour qu'ils puissent être impitoyables sans que vous vous vexiez. Je pense que ça ne tombe pas du tout à plat. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut répéter, je crois. envoyer un article non relu, c'est foncer dans le mur, quoi. Il y a pas de, et ça arrive tout le temps. Hein. Tout le temps. Donc, je ne suis pas sûr que de jeunes doctorants. Enfin, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais je pense que l'intelligence collective, si vous voulez, est quelque chose de très important pour que vous puissiez vous-même progresser dans le travail, clarifier ce que vous dites. Donc moi, je suis convaincu que l'objectivation de la pensée, que ce soit dans l'écriture ou dans la discussion, est ce qui permet de penser. Autrement dit, le travail d'écriture oblige à penser. Donc moi, je dis à mes doctorants, commencez vite à écrire. Il ne faut pas rassembler c'est important de rassembler des idées, mais commencez vite à écrire parce que l'écriture est en... Si vous voulez, il y a un travail d'objectivation de la pensée, mais avec rétroaction, parce que ce que vous avez objectivé dans le texte vous pose des questions et vous conduit à des obligations de vous rendre cohérent, de vous rendre plus intelligent. Et c'est la même chose, c'est un autre type de rapport, si vous voulez. Là, c'est un rapport de vous à vous, mais pensée, écriture, mais c'est un autre rapport quand vous discutez avec des gens qui ont pris le temps de lire attentivement votre travail et qui, de manière non violente, enfin sympathique, vous disent « c'est très mauvais ce passage-là, je ne pige pas ce que tu veux dire ». Donc il faut vraiment faire ce travail. Donc par rapport à la question que vous posez, je vous dirais déplacer la question, c'est-à-dire ne vous posez pas simplement la question « est-ce que mon travail est prêt ?» Mais est-ce que je me suis donné les moyens d'écriture et de discussion qui me permettent de me convaincre que c'est envoyable à une revue? Un autre problème dont je vous avais promis de parler à propos de la France, c'est qu'en France, il y a plus qu'ailleurs des querelles d'école. Et donc c'est assez amusant, enfin pas vraiment, mais donc vu de Belgique, on rigole bien, hein, c'est sûr. Au FNRS, par exemple, en Belgique, quand on fait des statistiques sur la sévérité ou de l'évaluation, il semble bien que les évaluations anglophones sont un peu moins sévères que les évaluations francophones. Les évaluateurs étant majoritairement français, et bon, il n'y a pas eu d'études sociologiques tout à fait sérieuses là-dessus, mais une des hypothèses pourrait être ces querelles d'école. Je vois ça aussi dans les jurys de thèse, quand des Français viennent en Belgique, souvent ils se sentent tenus de défendre leur épistémologie, plutôt que de rentrer dans la logique du doctorant. Donc j'ai ce soupçon, là, je n'ose pas trop m'avancer, mais j'ai ce soupçon que les appartenances d'école et les querelles d'école sont un peu envahissantes en France, et que donc, au niveau de l'évaluation, si vous faites un texte de sociologie pragmatique et que vous êtes évalué par quelqu'un de l'école marxiste ou bourdieusienne, ça va pas forcément. Mais ça, on peut rien y faire. Quoi faire? Je sais pas, sur les principes de collaboration qu'on n'a pas abordé sur ce qu'il a très bien présenté sur le fait que la difficulté des entreprises, etc. aussi, il y a une collaboration en tout cas, ou co-création, ou co-participation sur des sujets qui demandent parfois une nécessité de rapidité, une urgence. Moi, je travaille sur les mutations sociétales et certaines thématiques ont une urgence. Alors après, c'est un point de vue très humaniste, hein, mais en tous les cas, le fait de collaborer entre doctorants, des arts, etc., le dernier point de vue permet des fois d'avancer plus vite. Donc, se comporter dans les théories, que sur l'intuition ou l'empirisme. Là-dessus, je pense que aussi la collaboration entre doctorants, séparés du corps académique, peut favoriser peut-être des convergences. Moi, j'ai connu rapidement l'expérience de deux directeurs de laboratoire qui se battaient d'une part pour ma valeur d'intellect, ma potentielle réussite dans 3, 4, 5 ans, mais pour un sujet, parce que le sujet pouvait amener des subventions, etc. au laboratoire. C'est même pas sur une idée de point de vue, c'est purement financier, donc il y a des choses assez je sais pas, peut-être que l'étudiant lui-même peut être vecteur de... Donc je ne sais pas si vous connaissez, par rapport à ce que vous dites, si vous connaissez ça déjà massivement en France, mais dans les critères d'évaluation des carrières académiques, plus que des jeunes doctorants, le critère d'apport financier devient de plus en plus important. Donc il y a une rubrique, qu'est-ce que vous avez obtenu comme programme européen et combien d'argent ça a rapporté. Donc du côté anglo-saxon, c'est très très dominant, et évidemment il y a un certain type de recherche qui est lié à ces programmes, donc vous avez raison. Je ne sais pas quelle heure il est, si je continue de parler. Il est 14h20. Donc j'ai beaucoup parlé. Peut-être la question de la peer review, donc de l'anonymisation. Donc ce que je constate, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je vais dire, mais en tout cas dans la revue Sociologie, on a tendance à faire appel à des gens très spécialisés dans le domaine des articles. Alors on les trouve pas toujours. Il y a beaucoup de refus parce que, comme je ne sais plus qui le disait, les académiques sont surchargés, donc ils refusent. Mais les gens qui sont sollicités sont des gens qui connaissent généralement très très bien le domaine, et donc ça tend à faire en sorte que la sévérité des évaluations peut être assez importante, et que les évaluations peuvent être impitoyables. Donc par exemple, un cas que je viens de devoir résoudre en envoyant une réponse il y a deux jours à des auteurs. Ce sont des gens qui avaient envoyé un texte à la revue Sociologie, évalué par quelqu'un qui était très spécialiste dans le domaine, et qui a repéré que une partie importante de l'article était quasi identique à un rapport de recherche qui était accessible, pas très simplement, mais qui était accessible sur Internet. Donc il faut... c'est dur aussi par la qualité des personnes... et alors, il y a aussi un problème de retardement des évaluations, parce que l'anonymisation est toujours relative. Et alors il y a des gens qui disent pas j'ai reconnu, il y a sans doute des gens qui disent pas j'ai reconnu, mais il y a de plus en plus de gens qui disent j'ai reconnu et je veux pas évaluer, ou bien ils disent j'ai reconnu et l'article est pas très original. Donc il faut, faites quand même quand vous envoyez une publication, faites attention à ça. Puis il y a quelque chose sur cette base. Pardon. Oui, donc quand on est jeune doctorant, les chances d'être reconnu sont plus faibles. Mais des gens très spécialistes qui... Ça faut pas être si sûr. Si vous avez déjà publié 6 articles sur un domaine très restreint, il faut faire très attention. Mais ce que je voulais dire, ce à quoi je voulais arriver au travers de cette idée d'une difficulté d'être publié, d'une sévérité des évaluations, parce que moi je vois évidemment les rapports négatifs, c'est dur parfois, les gens sont les évaluateurs sont assez impitoyables. Et alors, évidemment, quand on demande des motivations d'évaluation, on demande des motivations négatives, si vous voulez. On demande ce qu'il faut justifier, ce qu'il faut développer au niveau de l'argumentation de refus ou de refus partiel, c'est pourquoi l'article est pas bon. Et donc, contrairement à ce qui se passait dans les générations antérieures et par exemple la mienne, moi j'ai eu quasiment jamais des articles refusés, c'est que vous devez vous habituer à l'échec. Donc le rapport à la réussite et à l'échec, je pense, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais le rapport à l'échec est quelque chose qui devient structurant de la carrière, en quelque sorte. Donc combien de refus, combien d'acceptations moyennant des conditions très, très sévères, et je vois dans la revue Sociologie le nombre de, notamment de jeunes chercheurs qui ne résistent pas à l'échec. Alors justement, c'est-à-dire, ils ont des, 30 secondes, ils ont des évaluations négatives. On leur dit revoyez cette partie-là, et j'ai pas les proportions, mais un nombre important d'entre eux ne vont pas reproposer l'article. Donc il y a cette question de l'échec et de la frustration qui vraiment fait partie intégrante, parce que le monde est de plus en plus concurrentiel. Donc moi, des échecs, j'en ai au niveau des réponses à des appels d'offres, par exemple. Mais je pense que pour les jeunes doctorants, c'est de plus en plus lourd, et je le répète, ça devient structurant des carrières, en quelque sorte. Combien de lettres d'insultes ? C'est pas moi qui les reçois. Non, là-dessus, je voulais rebondir sur ce que... Parce que c'est... En fait, c'est pas la première fois qu'on accueille la revue Sociologie. Marc-Henri Soulet, donc ton prédécesseur, était venu nous présenter il y a 2 ou 3 ans, je crois. Enfin, je sais plus si tu n'étais pas là à cette sa séance. Et lui, il nous disait même plus que ça, que les articles qui étaient renvoyés à leurs auteurs... Donc vous savez qu'en gros, un article, il y a 3 voies. Soit il y a une voie assez rare qui est l'acceptation sans demande de modification, il y a la voie moins rare qui est celle du refus pur et simple, et puis il y a la troisième voie qui est proportionnellement, je pense, c'est quand même peut-être pas la plus importante, mais bon, soit, qui est celle de l'acceptation sous réserve de modification substantielle ou pas substantielle, le vocabulaire varie. Et ce que nous disait Marc-Henri Soulet, qui était donc rédacteur en chef de la revue Sociologie, je crois, juste avant aujourd'hui, c'était que alors je cite de mémoire, les 2/3 des articles qui étaient renvoyés aux jeunes chercheurs avec des demandes de modification ne revenaient pas. C'est-à-dire que les gens interprétaient les demandes de modification comme des refus déguisés et se disaient ça passe ou ça casse, alors qu'en fait non, c'est pas du tout la logique de la sélection. Donc je pense que c'est tout à fait pertinent de rappeler que une demande de modification n'est pas un refus déguisé. Un éditeur qui veut vous dire non, il vous dit non. Et pour avoir un peu fréquenté ce monde-là pour l'édition du bouquin, les bons éditeurs sont ceux, un peu comme les chefs cuisiniers, hein, c'est ceux qui n'ont aucun scrupule à vous dire que ce que vous avez envoyé n'est pas bon. Seulement derrière, moyennant évidemment argumentation. Mais je pense qu'il y a de ça. Il faut dépersonnaliser. Il y a ce qu'on écrit, il y a ce qu'on est, et la critique sur ce qu'on écrit n'est pas la critique du chercheur. Première chose. Étape, je pense, structurante aussi dans la vie d'un doctorant en termes d'épreuves, si on veut le prendre comme ça. Deuxième élément. Ce n'est pas parce qu'un article a été refusé par la revue Sociologie ou la revue Tartempion qu'il ne va pas être accepté par une autre revue. Une des stratégies que vous trouvez exposées par Alain Quemin et Alexandre Mathieu Fritz dans le bouquin, c'est celle de dire « quoi qu'il arrive, je fourguerai mon article à une revue ». Alors, la stratégie intelligente à faire, c'est de faire un bon papier, évidemment, mais de commencer par les revues qu'on estime être les mieux cotés ou les plus intéressantes, de manière à revoir un petit peu ses prétentions pour qu'au final il y ait quand même une revue qui vous le prenne, parce qu'un article qui vous reste sur les bras ne sert à rien, ne sera jamais publié. Donc ce n'est pas parce qu'il a été refusé par une revue qu'il ne sera jamais publié, et notamment témoignage aussi, pas de Sociologie mais d'autres revues, qui nous disent on reçoit des articles qui ne rentrent pas dans le cadre géographique, par exemple, qu'on a, parce qu'on a, on fait, je sais pas moi, l'ethnologie de la France ou de l'Europe, et puis c'est un truc d'ethnologie sur l'Amérique du Sud ou sur la Russie. Bon, la Russie, ça passe à la rigueur, mais ça cadre pas, parce que ça rentre pas dans la charte, dans le cadrage éditorial de la revue. Et donc, il y a des fois des problèmes de ciblage beaucoup plus que des problèmes de qualité. Et tout le monde n'explicite pas ce genre de choses avec les lettres de revue. Voilà. Les lettres type ? Pas forcément, non, pas forcément type, elles sont souvent argumentées. Le problème, c'est que sur ça ou sur les demandes de subvention, il ne faut pas s'attendre que l'évaluateur vous renvoie votre texte avec un suivi des modifications et qu'il vous dise à la lettre tout ce qui ne va pas. Vous avez souvent une synthèse de 4 ou 5 lignes, mais c'est déjà ça, c'est extrêmement frustrant parce qu'on aurait aimé justement que l'article soit discuté un peu plus avant. C'est vrai qu'il y a 3 lignes, et c'est un peu à l'auteur de se débrouiller avec ces 3 lignes-là, ouais. Et il y a rien d'autre, alors que moi, personnellement, j'aurais mis des corrections en tête. Ah oui, mais voilà. Le monde est ainsi. Non, mais le rôle de la revue n'est pas de corriger le texte. Donc, ça, c'est une. Enfin, l'évaluation, c'est autre chose. Dans la revue Sociologie, on essaye de restituer les avis motivés des différents évaluateurs. Donc, dans le courrier dont je parlais, que j'ai. Envoyé, donc j'ai à la fois signifié la question de la reprise de quelque chose qui avait déjà été publié, mais aussi des remarques assez substantielles qui avaient été faites sur le contenu. Donc je pense que particulièrement dans le cas des jeunes chercheurs, l'évaluation ne doit pas être une correction, mais l'évaluation doit être une aide à répondre aux insuffisances, aux manquements de la rédaction première. Et alors, mobiliser à nouveau vos pairs, vos proches, votre directeur de thèse. Donc, moi, mes chercheurs, enfin, je ne sais pas si on peut parler comme un propriétaire, mais les chercheurs dont ton écurie, quoi. Les chercheurs dont je m'occupe, enfin dont je suis le promoteur du doctorat, en général me montrent les textes qu'ils vont publier bien souvent, en tout cas idéalement, je parle de l'architecture, moins de ce qui se passe au GRAP, mais donc idéalement les chercheurs ont la possibilité de convoquer on appelle par exemple un petit déjeuner de la recherche où on mange des croissants comme les Français et où on discute d'un projet de recherche et éventuellement d'un projet de publication. Donc vraiment, je pense que dans ce climat très, très sévère, la formation d'équipes, de réseaux, de proximité, il ne faut pas que les gens travaillent forcément sur la même chose que vous, hein, mais qu'ils aient le même type de motivation, qui est une aide réciproque par rapport à ça, et qu'au travers de ça et d'autres choses s'organise une dynamique de centre de recherche entre des jeunes chercheurs qui ne sont pas toujours suffisamment aidés ou aidés comme ils le souhaiteraient par les promoteurs de recherche, par les directeurs de centres, qui par ailleurs n'ont pas nécessairement le temps non plus. Oui, et puis il ne faut pas croire que c'est une stratégie qui s'applique qu'aux jeunes chercheurs. Hein. Des chercheurs très réputés, très renommés, se font relire par un nombre assez conséquent. Des fois, on voit ça dans les remerciements, il y en a qui pensent à faire les remerciements. On a des fois des chercheurs très connus, très réputés, dans des très bonnes institutions, français-américains, qui citent « merci, machin, machin, machin, machin ». Il y a 5 ou 6 noms de gens. Alors, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas, et ils se font absolument tous relire. Donc, c'est peut-être... quand on est en thèse, il faut se rendre compte que ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas croire que c'est un régime qu'on réserve aux doctorants parce qu'ils n'ont pas encore la maîtrise du processus de publication. Tout le monde fait ça. Simplement, ça fait partie des choses qui ne sont pas écrites dans le manuel, n'est-ce pas, et qu'il faut comprendre. Donc, Voilà, l'optique, je pense, c'est aussi de ce genre de réunion, n'est pas de dire les anciens vont apprendre aux plus jeunes quelques ficelles du métier, mais plutôt de mélanger les niveaux d'expérience, puisqu'il n'est pas du tout contre-indiqué qu'un chercheur avec une certaine expérience mette aussi son texte à l'épreuve de regards un petit peu neufs ou un petit peu naïfs de jeunes chercheurs ou de doctorants, justement pour s'enrichir. Ils sont très demandeurs de ça, mais évidemment, ça fait bizarre, un doctorant qui va se permettre de relire son directeur de thèse, etc. Ça fait un peu bizarre, mais c'est enrichissant. Hein. Maurice et moi, on a publié tous les deux des papiers de nos deux directeurs, enfin, de deux personnes qui étaient des proches, voire des directeurs de thèse. Ça fait bizarre de relire son propre directeur de thèse pour le publier dans un bouquin, mais il y a un dialogue qui s'inscrit, hein, qui va justement aplanir cette espèce de relation de domination symbolique du sachant sur l'apprenant, mais il y a toujours intérêt à faire ça. Le risque, par contre, moi je pense, c'est de rester dans un espèce de sérail doctoral. On ne va pas intégrer des chercheurs avec des expériences diverses. Je pense que c'est un gros risque, ça, par contre. De se dire non, on ne va pas s'exposer... Hein ? Non, il faut mélanger les niveaux d'expérience. C'est une logique de socialisation au métier de la recherche. Donc les jeunes ont à apprendre des anciens, les anciens ont à apprendre des jeunes. C'est une logique de mise en commun, un processus d'objectivation. Moi, je parle plus de socialisation des savoirs ou de socialisation des phénomènes, mais il y a une relation d'échange qui doit se créer. Et elle ne peut pas se créer avec des gens qui sont des pairs intégraux, si vous voulez, des gens qui appartiennent vraiment à des mêmes groupes d'expériences ou de symbolique. C'est pas possible, ça. Ça fonctionne pas comme ça. Les projets sont évalués à l'extérieur. Pardon ? C'est un peu la chose contraire. Enfin, je fais peut-être des raccourcis hyper. Alors, c'est-à-dire ? Parce qu'on a essayé vraiment de la médecine. Ouais. Qui apparemment était dans le discours, en tout cas, que vous avez eu, qui n'était pas forcément très approprié. Moi, quand j'entends socialisation, j'entends aussi ça. Justement, l'échange, le partage, et puis l'espère effectivement dans la corporation. Ouais. Et il faut aussi peut-être dépasser la hiérarchie. La socialisation, elle est aussi assez. Oui, c'est ce que je dis. Il faut mélanger les niveaux d'expérience avec des chercheurs en poste, avec des jeunes, des vieux, des gens plus chercheurs, des gens plus plombs, des plus enseignants, des gens plus, je sais pas moi, plus philo, d'autres plus empiriques, d'autres plus théoriques. Ben voilà, il faut vraiment. Je crois qu'on n'a pas, j'espère qu'on n'a pas donné l'impression la fois dernière de dévaloriser les recherches pluridisciplinaires. Je crois que le discours de Xavier Paulès et de Sébastien incitait à souligner la vigilance à avoir parce que dans les comités d'évaluation, il arrive assez souvent que finalement, si on fait une recherche entre deux disciplines, ceux d'une discipline nous renvoient le fait qu'on n'est pas complètement chez eux, ceux de l'autre nous renvoient exactement la même chose, et au final, on est pris en charge par personne et on prête le flanc à des critiques plus qu'on ne fait le pont comme on espérait le faire. Donc je crois que c'était plutôt une attention, une vigilance à avoir, mais surtout pas, enfin d'ailleurs, il me semble qu'on avait vraiment eu cette remarque sur le fait que c'était aussi en se lançant dans ce genre de prise de risque qu'on faisait bouger les choses. Donc c'était surtout pas. Bon, non, en fait, ouais, c'est deux questions différentes. Il y a la question du caractère pluridisciplinaire des thèses, qui est souvent, je sais pas pourquoi d'ailleurs, vu comme une. Ça va être forcément un apport d'avoir un point de vue croisé sur les choses. Il y a aussi des risques, il faut aussi voir les enjeux réels. Il y a un papier là-dessus sur Comeyo, hein, et le papier s'appelle, je crois, amateurisme ou thèse pluridisciplinaire, amateurisme, ou je sais plus quoi. Voilà. C'est pas pour dire que c'est de l'amateurisme. C'est pour dire voilà, exactement. Dans cet article. C'est pour dire soyons attentifs à ça, mais ça n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de dire maintenant, qui est plus le mélange des expériences en termes de progression dans la carrière de chercheur quand il s'agit de soumettre un texte. Voilà, parce que il y a une tendance et c'est malheureux et je la constate ici, je l'ai constaté depuis plusieurs années ici notamment, des doctorants vouloir s'enfermer un petit peu entre eux. À dire, on va surtout pas inviter des enseignants ou des chercheurs parce qu'ils vont être trop critiques et patati patata. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont très critiques. C'est normal, on débute, on peut pas prétendre. Je trouve que ça fait partie aussi de la gestion, peut-être pas des échecs, mais en tout cas des épreuves qu'on a pour apprendre, des compétences, une certaine humilité, détacher ce qu'on dit de ce qu'on est, etc. Et donc voilà, il y a des séminaires doctoraux qui sont faits par des doctorants, pour des doctorants, avec des optiques de doctorants. Et comme si on allait résoudre ensemble, comme ça, face à nous-mêmes, en fait, des problèmes qui, en fait, concernent plus largement le monde de la recherche. En tout cas, nous, on a toujours eu cette optique aux aspects concrets, c'était de mélanger. On est des bécuriens hein, de ce point de vue-là, c'est vraiment de mélanger les niveaux d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon, étant donné des éléments que j'ai décrits au départ, il y a un déplacement dans les manières de devenir compétent par rapport à la recherche. C'est-à-dire que si on remonte, je ne sais pas combien de temps il faut remonter, mais 40 ans en arrière, la relation d'apprentissage est une relation bien davantage du type maître-élève. Et donc l'interlocuteur est d'abord le promoteur de la thèse. Je pense que maintenant on arrive à probablement une désacralisation relative de ce modèle-là et davantage d'horizontalisation, c'est-à-dire que les doctorants se prennent en charge, ont tendance à se prendre en charge collectivement eux-mêmes. Donc par exemple en Belgique, dans les séminaires doctoraux financés donc par le FNRS, très mal financés par le FNRS, il y a un séminaire pris en charge par les doctorants eux-mêmes et organisé par les doctorants eux-mêmes qui font appel à des gens qui leur sont utiles. Donc, ce que j'ai mis en place dans un des dispositifs dont je suis responsable, c'est ces activités doctorales où le doctorant peut inviter, donc a le droit d'inviter, quelqu'un qui est intéressant par rapport à sa thèse et ça profite à l'ensemble de l'équipe doctorale. Comme le temps avance, je voudrais encore dire un petit truc, c'est que c'est bien d'être publié, c'est pas mal d'être lu. Et donc là, je sais pas si c'est le prochain tome. Donc, parce que le problème, évidemment, c'est en fonction de ce que j'ai dit, il y a évidemment une offre de lecture qui est de plus en plus importante. Ouais. Donc il y a de plus en plus de choses publiées. Il y a des revues qui croulent, mais il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. Et puis il y a des revues qui naissent, qui ne sont pas nécessairement tout de suite des revues à point, mais qui sont des revues intéressantes à cet égard-là. Si je dois donner mon expérience personnelle, les articles que j'ai écrits les plus malins ne sont pas forcément dans les revues les plus prestigieuses non plus. Hein, il y a ce problème de l'évaluation. Mais donc une chose que je voulais vous dire par rapport qui touche directement à la revue Sociologie, c'est que je pense qu'il y a un déplacement de la consultation des revues des bibliothèques traditionnelles et donc du papier vers l'Internet. Donc c'est pas un scoop. J'imagine que quand vous commencez à travailler sur quelque chose, vous allez voir ce qu'il en est sur Internet. Donc moi je suis très mauvais par rapport à ça, mais l'usage d'Internet. Pensez-y, la revue Sociologie, c'est un nombre considérable de consultations chaque mois. Hein. Mmh. Alors, on ne sait pas si les gens ont lu, mais c'est en tout cas, ils ont consulté, ils ont téléchargé. Et donc, les chances d'être au minimum téléchargé sur Sociologie par rapport à un article qui est publié dans une revue papier classique, il y a plus photo maintenant. Et donc, on pourrait faire un séminaire aussi sur en quoi le formatage et les transformations du monde de la recherche dont j'ai parlé conduit à des stratégies de visibilisation de certains articles, de certains courants, de certaines thématiques plutôt que d'autres. J'ai une question, vous êtes financé ? Très peu. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc, en de l'argent, donc j'imagine. Il y a de l'argent, mais il y a un mi-temps CNRS. En gros, c'est à peu près exclusivement ça. Enfin, il y a des petits apports extérieurs, mais l'essentiel du financement, c'est une demi-charge financée par le CNRS pour assurer le secrétariat de rédaction. Donc, les rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoints ne sont pas. Enfin, moi, je suis pas payé, donc on fait ça bénévolement. Les évaluateurs ne sont pas payer. Donc je pense qu'il y a un a priori de, enfin une volonté a priori de ne pas marchandiser la recherche, et la revue est hébergée par revue.org, qui est aussi une émanation du CNRS. C'est vrai que par rapport à des organismes comme ceux qu'on peut trouver aux États-Unis, on voit toute la limite que ça implique en termes de développement à la fois des activités d'une telle revue et en même temps des limites concrètes que ça représente en termes de mobilisation intellectuelle. Explicite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une revue qui n'est pas financée, c'est-à-dire qui fait appel à un nombre d'heures considérable en termes de bénévolat, même si ça n'a pas vocation à être marchandisé, je pense que ça représente également un certain nombre de limites en termes de promotion sur d'autres sites, en termes de... Bah, vous savez, il n'y a quasiment aucune revue qui est financée. Les financements du CNRS sont... Non, je dis aux États-Unis. Ah oui, oui, bah, et encore. Ah non, je ne pense pas... Qui se financent sur les revues de l'inverse, en fait. Parce qu'en cas des publications scientifiques aux États-Unis, c'est justement des revues qui coûtent très peu cher parce que, gérées par les pairs essentiellement, de moins en moins imprimées, et par contre, facturées de plus en plus cher aux bibliothèques universitaires qui sont faites. Ouais. Donc ici, de la part de la revue Sociologie, donc il y a... vraiment un a priori politique dont je vous ai donné une des dimensions, l'autre dimension étant qu'on a refusé que l'accès au texte soit payant. Donc c'est une revue qui est d'accès totalement libre, gratuit, et avec un souci de non-marchandisation du travail scientifique qui est là derrière, mais avec l'appui donc des instances qui financent la recherche, essentiellement en France, un peu dans d'autres pays. Mais une des particularités de Sociologie, c'est qu'elle est quand même accolée à l'Association internationale des sociologues de langue française. Donc c'est une, comme son nom l'indique, hein, il n'y a pas besoin d'en dire plus, ce qui n'est pas le cas de toutes les revues, donc ça lui donne aussi une dimension réticulaire un peu plus forte. C'est-à-dire qu'on a des évaluateurs, donc je parle en principe, on a des évaluateurs quasi obligés, c'est-à-dire que il y a toute une série de groupes de travail à l'ISLS, et on sait évidemment que si on a un article qui touche à la sociologie du travail, par exemple, on a le groupe de travail qui s'occupe de sociologie du travail, dans lequel en principe on peut trouver des évaluateurs, certains fonctionnant bien, d'autres fonctionnant pas bien. Et à la réunion à Bruxelles dont je vous parlais, on a étendu le comité de rédaction parce qu'il y avait à la fois des trous dans les compétences et certains évaluateurs potentiels qui répondaient pas forcément toujours suffisamment rapidement. Oui, j'ai une question par rapport à ce que vous évoquiez au départ sur quand on regarde une candidature, quand on regarde un dossier, on regarde surtout où la personne a publié plus que l'article parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut mieux peu publier et se réserver entre guillemets pour quelques grandes revues peut-être en fin de thèse, ou alors multiplier les petites publications dans des carnets de recherche, des revues sans communauté de lecture, etc., pour après améliorer son... Je pense qu'il n'y a pas de réponse uniforme, en tout cas ce que je vois au FNRS, il n'y a pas de réponse encore unilatérale, mais on va clairement vers la première voie que vous explicitiez, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir trois articles dans des revues relativement renommées et avec... peer review, plus que comité de lecture. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire comité de lecture en France, mais comité de lecture, ça ne veut pas dire nécessairement anonymisation. L'anonymisation est vraiment le critère déterminant, et de plus en plus, publier dans une revue qui n'est pas répertoriée ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que l'article ne vaut rien, mais en termes de valorisation, c'est peu de choses. Donc il faut, en termes stratégiques, il faut plutôt s'orienter vers quelques articles dans des revues. Mais en sociologie, si vous voulez, je dis ça et quand je le dis, ça me choque personnellement. Ben c'est malheureux, oui. C'est parce que le gros problème quand vous faites de la sociologie, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est que vous allez sur le terrain, donc vous mobilisez des gens. Donc vous leur devez des choses. Moi je travaille pour le moment un peu sur les politiques culturelles. Si des gens du monde culturel que j'ai sollicité pour dans des focus group ou des interviews me demandent d'aller faire 6 conférences, une à Tournai, une à Valenciennes en France, hein, une à Arlon, etc., je vais y aller parce qu'on le doit. S'ils me demandent de faire un article dans une revue qui est évidemment pas une revue à point, il faut le faire. Alors que les gens qui travaillent dans le monde des sciences dures et qui dialoguent avec des particules, évidemment, ne sont pas face au même type d'exigence littéraire, politique ou éthique. Mais donc, il faut que... Enfin, là, c'est... un engagement, si vous voulez. Je pense que les sociologues doivent continuer de publier aussi dans des revues, des associations. Le problème, c'est l'excès, en fait. C'est de se dire, je vais stratégiser au point de viser ces revues-là pour faire du ranking, en gros, pour augmenter mon impact ou je sais pas quoi, là, impact factor, G-index et machin truc. C'est ça aussi, hein. Il y a l'autre effet. Il y a ce que Joël Noret était venu d'écrire au sujet de la revue Civilisation. Au début, c'était une revue qui n'était pas classée. Et donc, il recevait des contributions. Et puis, du jour au lendemain, elle a été classée. Et l'explosion des contributions, il ne pouvait plus du tout gérer, il était complètement débordé. Donc forcément, il y a un moment, le serpent se mord la queue. Il y a un effet rétroactif de certains phénomènes de classement, d'évaluation, de ranking. Et donc, ils ont des effets un petit peu chaotiques sur les stratégies de publication ou sur les stratégies de lecture des revues, quoi. Donc, c'est à ça aussi qu'il faut réfléchir beaucoup plus que de se dire, est-ce que je publie dans la bonne revue ? Il y a toujours du ranking. Vous prenez la liste de l'ARES sur la sociologie. Elle est longue comme le bras. Il y a je ne sais pas combien de références. Mais en ethno, il y en a un peu moins. En histoire, c'est comme si. Voilà, c'est très difficile de... Mais bon, effectivement, entre une... Je ne sais pas, moi. Entre sociologie, terrain, genèse, j'en sais rien, moi. La revue de sociologie française, enfin, l'homme, les grandes revues, entre guillemets, celles qui sont vraiment connues, reconnues, ethnographiques, etc. Et puis, la feuille de chou de votre laboratoire... Bah ouais, c'est sûr, il y a un moment... Ah, dans revue.org, des revues de sociologie, spécifiquement de sociologie, pas d'histoire, c'est sociologie qui est le plus consulté mensuellement. Il y avait d'autres questions. Oui, moi j'avais une question, je repensais à ce que vous racontiez un moment là sur le ministère qui a demandé de préciser dans la nouvelle loi que les recherches devaient être utiles à la société, comme si elle n'était pas déjà. Et est-ce que, vous, ce que vous voyez dans les commissions, notamment FNRS ou OCG, est-ce que les choses, le fait d'être dans ce qu'on appelle classiquement en fait, la vulgarisation, la valorisation de la recherche, donc le fait d'être en lien avec des acteurs de la société civile, de revenir vers eux, je sais pas, donner des conférences, ou bien être en lien avec la presse, les médias, ou même avec des autorités publiques, est-ce que ça c'est quelque chose qui est un critère pris en compte, j'imagine beaucoup moins que la mobilité ou les publications, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Ça dépend des évaluateurs, mais en gros, c'est peu pris en compte, très peu pris en compte dans une évaluation de type scientifique. La question de... Enfin, la première partie de votre question, est-ce que l'utilité sociale est un critère, en tout cas dans la commission à laquelle je suis, mais qui n'est pas la commission sociologie, hein, donc c'est une commission sciences humaines, mais pas sociologie, c'est très peu pris en compte. Je disais, je suis dans une commission où on évalue aussi l'égyptologie, par exemple, donc les hiéroglyphes. Là, c'est ce que je disais, est-ce que c'est utile socialement de faire des recherches sur les hiéroglyphes? Je ne sais pas. Mais il y a un autre effet qui est assez intéressant, c'est l'existence d'une petite communauté épistémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur les hiéroglyphes. Et donc, quand vous êtes dans la communauté, donc un jeune doctorant qui veut travailler sur les, sur les hiéroglyphes va être, ou son promoteur de thèse va être connu de tout le monde, et son promoteur de thèse va pouvoir lui dire très clairement ce qui est important, ce qui est novateur à tel moment. Et donc, les chances d'avoir une évaluation positive de la part des évaluateurs qui tous se connaissent, je pense, a tendance à s'accroître. Alors que en sociologie, c'est pas du tout la même chose. J'arrive pas à trouver. Alors, soit je prends des terrains tarabiscotés pour faire rentrer mon sujet dans des appels à contribution, mais c'est toujours la galère, et en gros, je ne l'engage pas. Soit je postule librement. Et est-ce que je dois rédiger l'article en entier, ou est-ce qu'on peut faire. Enfin, je pense que ça dépend aussi, mais moi, je vois de plus en plus qu'on me demande de fournir l'article en totalité, 3000 signes en général, entre 30 et 60 signes. Et donc, du coup, c'est un investissement énorme. Donc dans sociologie, là le jeu c'est de transmettre l'article et pas un abstract. Par contre, pour les participations à des colloques ou à des dossiers dans des revues, il arrive souvent qu'on demande d'abord un abstract et que le choix se fasse sur l'abstract et qu'il y ait une deuxième évaluation alors sur l'article. Mais donc par rapport à votre situation angoissante, donc la revue Sociologie, là il y a un créneau donc qui est premier texte où vous pouvez proposer un texte que vous avez vous-même conçu indépendamment de tout appel à contribution. Il y a un conseil peut-être très trivial à donner, je pense, mais qui est quand même vrai. C'est avant d'envoyer un texte à une revue, il faut lire cette revue. Non, sans rien. Je vous dis ça parce que c'est vrai, il y a plusieurs témoignages de gens qui disent « mais les gens nous envoient des articles mais qui ne collent absolument pas à ce qu'on fait ». C'est comme une offre d'emploi, vous êtes ingénieur et vous postulez pour être, je sais pas moi, un vétérinaire. Ça marche pas, vous êtes peut-être un bon ingénieur, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc lisez bien la revue, regardez bien les consignes, décryptez l'implicite méthodologique, je sais pas quoi. Alors il y a les critères formels, et souvent on n'a que des critères formels. C'est-à-dire il faut 50 000 signes, interligne 2, je sais pas quoi, les citations Harvard, ou bref, peu importe, ce qui est très important pour des questions d'économie de travail. Mais il y a aussi le style de la revue, entre guillemets, enfin ce qui fait son identité. C'est une revue plutôt européenne, c'est une revue plutôt disciplinaire, c'est une revue sur dossier, une revue avec des varias. C'est une revue qui fait plutôt une action incitative envers les jeunes chercheurs, comme Sociologie avec premier texte. C'est une revue qui accepte les articles méthodologiques ou qui les accepte pas. Il faut déjà se socialiser correctement. Donc il faut pas, je sais qu'on a tendance comme ça à répondre un peu à tout et à n'importe quoi les appels d'offres. C'est un peu comme une recherche d'emploi. Il y a deux techniques. Soit vous envoyez votre CV comme on sème des grains de blé et puis on verra bien, il y en a bien qui va le prendre. Soit on fait une recherche ciblée. Soit on travaille sur son profil, on travaille sur sa compétence, on travaille sur son expertise, sur sa connaissance du terrain. Et puis alors là, on a un ciblage beaucoup plus précis. Donc à vous de voir comment vous la jouez. Mais généralement, ça ne sert à rien d'envoyer 50 CV à des employeurs comme ça. Par contre, un bon CV envoyé à 4 ou 5 employeurs qui sont vraiment dans la filière où vous êtes ont beaucoup plus de chances de toucher leur cible. Et je pense que pour les articles, toute proportion gardée, tout comparatisme un petit peu scabreux, garder comme je suis en train de le faire, on peut le voir comme ça. Pour donner une indication par rapport aux candidatures à des postes post-doctoraux au FNRS, le critère c'est quand même la qualité de la thèse, donc le rapport qui accompagne le doctorat est fort important. Et quand je regarde les projets qui sont présentés, les gens qui postulent au postdoc n'ont pas 40 articles, hein, donc avoir 2-3 articles dans des revues significatives, plus des communications, plus un séjour à l'étranger, mais il faut quand même pas. Donc quand on a, enfin, sur la période de la thèse, on n'attend pas à ce que on s'attend pas à ce que les 20 articles dans des publications importantes, mais il faut en avoir quelques-uns. Donc la question du choix des revues est quelque chose de très important, et éventuellement la publication ou un accord de publication d'un ouvrage fait à partir de la thèse, ça reste très très important. Et il faut reconnaître que la publication dans les collections, j'ai dit, peut dépendre des apports financiers, mais je pense que dans ce domaine-là, les réseaux relationnels fonctionnent de manière plus importante. Donc parce que je pense que les critères d'évaluation des ouvrages, ça mériterait d'être discuté. La question d'anonymisation, par exemple, du peer review est je pense moins exigeant dans les collections d'ouvrages que dans les articles destinés à des revues. Très vite. Une question très rapide. Est-ce que cette grille est disponible, la grille d'évaluation que vous utilisez pour lors de la soumission d'articles? Je peux vous envoyer ça si vous m'envoyez un mail. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. C'est Marie. Oui. Donc, d'abord, remercier beaucoup Jean-Louis Genard pour cette séance. Et vous inviter à la prochaine, donc avec Raphaël Mandressi, qui est historien, chercheur au CNRS, et qui va venir nous parler d'une recherche qu'il effectue sur.